Leçon 4, page 111. Et pour vous, c'est quoi le plus important ? Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la paix. Pas de prospérité, pas d'échange sans la paix. Je crois que la chose qui me tient le plus à cœur, c'est le respect individuel de la différence. C'est la condition première d'un respect collectif de l'autre. L'idée à laquelle je suis la plus attachée, la tolérance, le respect de l'autre. Moi, je crois au développement solidaire. C'est la seule chance pour les pays pauvres de s'en sortir. Pour moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me tient très à cœur. C'est tout ce qui touche aux enfants, à l'enfance, à la protection de l'enfance.